Alors il y a deux sons. Il y a le silence quand les étudiants ne sont pas là. Et le son, bien sûr, quand ils sont là. Après, il y a les bruits des talons, des filles. Pour les habitués, je les reconnais. N'oubliez pas que c'est un travail de route. Bon ben ici c'est la bibliothèque. Il y a les tests du Cresson, les rapports de recherche du Cresson. Ça c'était du Cresson. Bon ben je vais vous voir demain. Vous vous perdez, d'accord?